pendant que tu fais des siestes. Sont loupés nos cieux. Et comme l'ambition, sion de retourner le game, faire tomber le million. Tomber le million. Tu parles de place pour nous dans ce game. Toi c'est 15-0. On fait des hits pendant que tu fais des siestes. Sont loupés nos cieux. Et comme l'ambition, sion de retourner le game, faire tomber le million. Yeah. Tomber le million. J'arrive en force dans ta capitale. Ouais mon gars. On est venu gonfler notre capital. Ouais. Millions de vues, même ta daronne a capté mes bails. Capté mes bails. J'prends les roros, j'ai pas le time. Ouais, shippé, j'ai trop la dalle. Jamais fait de coup de pute à mes frères. Toujours laissé mes dièses en arrière. 2017, y'a la chasse et ces rappeurs vont bouffer la terre. Ils vont découvrir le vrai visage de shippé des terres. Shippé des terres. Et même ma faire pleurer des mères. Ouais. T'auras ta douille, grave équipe dans tes entrailles. Mon polo c'est la guerre. C'est la quoi? C'est la guerre. Mais c'est la quoi? C'est la guerre. Ouais. Mon polo c'est la guerre. C'est la quoi? T'auras ta douille, grave équipe dans tes entrailles. Mon polo c'est la guerre. C'est la quoi? C'est la guerre. C'est la quoi? T'auras ta douille, grave équipe. Polo c'est la guerre. Mais c'est la quoi? Tu parles de place pour nous dans ce game. Moi c'est 15-0. On fait des hits pendant que tu fais des siestes. Sont loupés nos cieux. Et comme l'ambition, sion de retourner le game. Faire tomber le million. Tomber le million. Tu parles de place pour nous dans ce game. Moi c'est 15-0. On fait des hits pendant que tu fais des siestes. Sont loupés nos cieux. Et comme l'ambition, sion de retourner le game. Faire tomber le million. Tomber le million. Allez niquer vos mères. Niquer quoi? Je me laissais pas faire. Quoi? Trois pertes pour peu de gains. Tout ça aurait sans cesse. Mais tu crois quoi? Quoi? On est fait de pierre. Vos coups de couteau dans le dos m'ont fait pousser la crinière. Le gars me croise dans son quartier. Tout ce qu'il peut faire c'est se taire. Allez faire vos petits guéguerres. On a autre chose à faire. Amusez-vous, prenez les restes. T'es toujours dans ta cave. J'suis en showcase dans les faithless. Tu parles de place pour nous dans ce game. Toi t'es 15-0. On fait des hits pendant que tu fais des siestes. Sors nous tes dossiers. Et comme l'ambition, sion de retourner le game. Faire tomber le million. Tomber le million. Tu parles de place pour nous dans ce game. Toi t'es 15-0. On fait des hits pendant que tu fais des siestes. Sors nous tes dossiers. Et comme l'ambition, sion de retourner le game. Faire tomber le million.